Salle d'attente. À première vue, la salle d'attente des vols domestiques de l'aéroport Léon Mba de Libreville paraît fraîche et accueillante. Cependant, à bien y regarder, on se rend vite compte qu'il n'en est rien. Exiguë, entièrement carrelée du sol au plafond de carreaux blancs rectangulaires, elle fait davantage penser à la salle d'autopsie d'un institut médico-légal. D'autant que le banc de ciment qui court le long des murs comme celui disposé en îlot circulaire au centre de la salle sont couverts du même carrelage. L'odeur puissante de désinfectant qui prend la gorge en franchissant la porte vient renforcer l'impression désagréable d'être dans une salle d'autopsie et seules les grandes baies vitrées donnant sur le tarmac rappellent que l'on est bien dans un aéroport. C'est Jacques Dumont, une de mes connaissances à Libreville et chef d'escale Air Gabon qui nous y a conduits. Il s'est aussi occupé du transbordement de la précieuse cargaison de Nathalie de l'avion de la Camer qui nous a amené de Douala sur celui d'Air Gabon qui va nous conduire à Mbangué, l'aéroport de Franceville. Nous sommes pour l'instant les seuls occupants de cette improbable salle d'attente. À 1 heure du décollage, ce n'est guère étonnant, mais je sais que ça ne va pas durer et que d'ici 10 minutes il y aura foule. Nathalie pose sa mallette et s'assied avec précaution sur le banc de ciment carrelé. Ce n'est pas le genre de banquette où on a envie de se laisser tomber. Elle attend que je prenne place à côté d'elle. C'est complètement fou un truc pareil. Tu es sûr que nous ne sommes pas dans un ancien labo? Et cette odeur de désinfectant, qu'est-ce que c'est? Je renifle avec précaution. Je crois bien que c'est du Crésil, un produit à base de phénol. Nathalie est un peu perdue. Mais enfin, pourquoi carreler une salle d'attente du sol au plafond, y compris les sièges, et la désinfecter avec un tel produit? Je crois que tu vas vite comprendre, dès que les premiers passagers commenceront à arriver. Il ne se passe pas 5 minutes avant que Nathalie comprenne. Ce n'est pas une faible femme. Je l'ai vue, et pas plus tard qu'avant-hier, affronter des situations difficiles qui en auraient fait reculer plus d'un. Mais ça, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait seulement imaginer. Le premier groupe de passagers qui franchit la large porte vitrée commence par y laisser des traces dont on pourrait croire qu'elles sont faites par des mains que l'on viendrait de tremper dans une jatte de confiture. Il y a là 2 hommes, 4 femmes et 1/2 douzaine de marmots de tous âges. Les 2 hommes, à la chevelure aussi hirsute que crépue, ne doivent pas mesurer plus d'1,60 m, soit 10 bons centimètres de plus que les femmes et ne pas peser plus de 40 kg, soit autant qu'une des femmes enceintes jusqu'aux yeux qui les accompagnent. Elle est d'une maigreur effrayante avec un ventre énorme, une brindille enceinte d'un éléphant. Les 2 hommes sont vêtus d'une casaque de pagne sans manches et d'un pantalon du même tissu dont on imagine sans peine qu'il n'a pas été lavé depuis l'année dernière tant la couleur et les motifs sont imprégnés de crasse. Les femmes, quant à elles, sont habillées du même genre de pagne, dans le même état que celui de leurs compagnons. Plusieurs enroulements autour de la taille forment la jupe qui se termine par un drap jeté en biais par-dessus une épaule. Leur poitrine est donc à demi couverte, et ce que l'on voit aurait de quoi faire blêmir le plus aguerri des gériatres. Ce que l'on pourrait supposer être un sein n'est en fait qu'une outre flasque, ridée et desséchée qui pend jusqu'à l'ombilic. Le pire, ce n'est pas les seins, mais bien la tête de deux de ces femmes. À l'exception de celles paraissant les plus jeunes, le crâne des 2 autres est d'une forme proprement stupéfiante. En toute logique, un tel prognatisme devrait être unique et constituer un cas d'école. Elles sont pourtant 2. Je n'ai aucune idée de la valeur de l'angle facial de ces femmes dont on dirait qu'elles marchent le menton en avant. Ce qui est cependant le plus frappant, c'est l'étroitesse de la mâchoire inférieure qui leur donne un étrange profil d'oiseau accentué par un cou long et maigre dont on se demande comment il peut bien soutenir pareille tête. Impossible de donner un âge aux enfants. Du plus petit au plus grand, du moins pour ceux qui marchent, ils sont juchés sur des jambes courtes et torses, d'une maigreur telle que l'expression « la peau sur les os » prend ici tout son sens. Des shorts et polos crasseux et rapiécés habillent les garçons, des bouts de pagne les filles. L'une d'elles, qui peut avoir entre 5 et 7 ans, n'a presque plus de cheveux. Seules quelques touffes de couleur roussâtre subsistent sur l'arrière et l'avant du crâne. Certainement une forme de pelade. Ces échappées de la cour des miracles s'installent juste en face de nous sur l'îlot central. Sans doute pour rester groupées, 3 des femmes se sont assises à même le sol, au milieu de ballots informes, ficelés tant bien que mal, avec des bouts de raffia ou des bandes de tissu tressées. Aux effluves sui generis qui émanent de la petite troupe se superpose une odeur âcre et puissante que j'identifie aussitôt comme celle du chikwangé, nom local du pain de manioc fermenté. Ma déduction est vite confirmée par les écoulements d'un des ballots posés sur le banc carrelé que nul ne songe à essuyer. Lorsque ces gens partiront, ils laisseront derrière eux une petite flaque de jus putride. Je regarde Nathalie, elle est livide, elle suffoque presque, n'ose plus respirer. Je lui prends la main. « Ça va ?» Elle balbutie. « Oui, oui. Mon Dieu, ces pauvres gens. » Ses grands yeux bleus s'embuent de larmes. « Je voudrais la serrer dans mes bras pour la réconforter, mais je crois que seule une longue explication pourrait lui permettre d'intégrer ce qu'elle a sous les yeux. » Sidéré par le spectacle de cette famille semblant sortie du fond des âges, nous n'avons même pas remarqué que la salle d'attente s'est remplie. Parmi les passagers en attente, beaucoup de femmes avec ou sans enfants, tout encombrés de sacs et ballots divers, qui, vu leur volume et sans doute leur poids, devraient pourtant voyager en soute. Le temps passe et plus d'une heure a déjà filé depuis que nous sommes entrés dans cette salle d'attente. Compte tenu du bruit ambiant, Nathalie a renoncé à me poser les questions qui lui brûlent les lèvres, mais ses yeux enregistrent tout ce qu'ils peuvent. Elle ne verra pas ça deux fois. De façon inversement proportionnelle au temps qui passe, le volume d'air respirable diminue sans que pourtant cela n'affecte le niveau sonore des conversations. Quelqu'un de non averti pourrait croire que tous ces gens vont en venir aux mains. Il n'en est rien, ils discutent paisiblement. En attendant, au contact prolongé du carrelage de nos inconfortables sièges, nos postérieurs sont mis à rude épreuve. Et puis, une phrase commence à revenir en boucle, l'avion aura du retard. Chacun commente l'information comme s'il était surpris d'apprendre ce que nous savons déjà depuis un bon quart d'heure. Nous aurions dû décoller depuis longtemps, donc l'avion est en retard. Mais c'est comme si la cinquantaine de personnes avec qui nous partageons les bancs inconfortables de béton carrelé venait juste de le découvrir. Le rapport au temps très particulier qu'ont les Africains ne me pose plus problème depuis longtemps, mais je conçois que Nathalie en soit étonnée. Je sais qu'elle parviendra à s'y faire. Elle s'est d'ailleurs déjà fort bien adaptée aux Parisiens qui considèrent comme inadmissible qu'il puisse neiger en hiver et qu'en plus la neige ose rendre les routes impraticables. Pour un Africain, rien n'est incroyable et encore moins inadmissible. En prévision d'un retard qui risque de s'éterniser, et comme il est largement plus de midi, le petit monde bruyant et odorant qui nous entoure commence à prendre ses dispositions pour un pique-nique improvisé. Mis à part les quelques rares personnes à peu près bien habillées de pagnes propres et qui restent assises sur les bancs, la quasi-totalité des gens s'installe par terre au milieu d'un fouillis invraisemblable de paquets de toutes sortes. Je suppose qu'ils considèrent que les sièges sont plus utiles comme tables, car c'est là qu'ils étalent leurs paquets de chikwangé, posent leurs petites marmites de sauce et commencent leur dégustation. Avec les doigts, ils forment de petites boules de manioc fermenté, les trempent dans la sauce et après avoir englouti le tout avec délice, s'essuie longuement les doigts sur le carrelage des bancs. À la fin du festin, il y a fort à parier qu'il ne sera plus possible de s'y asseoir sous peine d'y rester collé. La salle d'attente des vols domestiques de l'aéroport international de Libreville est donc la seule au monde à être entièrement carrelée. Mais ce n'est pas un hasard. D'évidence, ces braves gens ne se sont pas lavé les mains avant leur repas. Ils ne se les laveront pas davantage après, et un ameublement traditionnel aurait subi les mêmes outrages. C'est en général à ce stade de l'observation que l'on remarque les deux prises d'eau murale et les quatre bancs d'écoulement situés sur le banc central. Tout s'éclaire. Il n'y a plus de vol intérieur à partir de 16 heures. C'est donc vraisemblablement dès cette heure-là que le service de nettoyage entre en action avec force lance à eau et bidon de Crésil. Nathalie se penche vers moi, certainement dans l'intention de me poser enfin une question. Mais la porte de la salle d'attente s'ouvre. C'est Jacques qui nous fait signe de le suivre. L'air est nettement plus respirable dans le couloir et encore davantage dans le hall, pourtant très animé à cette heure. Jacques nous conduit à l'autre bout du bâtiment, au pied d'un large escalier qui mène aux deux restaurants de l'aéroport. « Voilà, vous serez mieux là-haut, c'est climatisé. Les sièges sont confortables et on y mange correctement. Je me joindrai bien à vous, mais j'ai un problème sur les bras. Votre avion a un petit souci et il va falloir plus d'une journée pour réparer et faire les tests de sécurité. Conséquence, vous allez être obligé d'attendre encore un peu plus d'une heure, 1h30, le temps qu'on récupère un autre avion et qu'on le prépare. » Il se tourne vers Nathalie. « Ne soyez pas inquiète pour votre matériel, je m'occupe du transbordement. Je viendrai vous récupérer pour vous faire embarquer les premiers. Vous avez eu un échantillon du comportement pour le moins folklorique de nos passagers en salle d'attente. Vous verrez, l'embarquement, c'est pas triste non plus. Sur ce, je vous laisse. Il faut que je file. Bon appétit. » Je prends le sac de Nathalie et la fais passer devant moi dans l'escalier. Les deux bars-restaurants de l'aéroport occupent la moitié du premier étage côté piste. Le Nyambwe pour les spécialités gabonaises et le Suprême plus orienté vers une cuisine européenne. Je m'attarde un instant devant la carte du Nyambwe. Nathalie me jette un regard désespéré. « Dis-moi que ce n'est pas là que nous allons manger. » Compte tenu des agapes dont nous venons d'être témoins, je comprends aisément que, tout comme le mien, son estomac ait quelques réticences à expérimenter la cuisine gabonaise. Je la rassure d'un sourire, pousse résolument l'autre porte et m'efface pour la laisser entrer. C'est vraiment un restaurant, il y a même des nappes sur les tables. La salle est loin d'être pleine, tout juste une vingtaine de convives, en majorité des Européens. Un jeune homme assez peu souriant, mais je n'ai pas de souvenir que les Gabonais le sont, nous guide vers une table près de la baie donnant sur les pistes. Deux formules, le buffet ou la carte. Compte tenu de la relativité temporelle, particulièrement observable au Gabon, nous n'aurons certainement pas le temps d'être servis avant une bonne heure si nous choisissons la carte. Mieux vaut donc opter pour le buffet. En deux phrases, j'explique le problème à Nathalie. Je crois que depuis tout à l'heure, plus rien ne peut l'étonner. Elle ne dit mot et me suit. Devant cette profusion de plats, elle hésite, d'autant que la terminologie assez alambiquée de certaines étiquettes n'arrange pas vraiment les choses. Je vole à son secours et, pour l'avoir expérimenté lors de précédents voyages, lui conseille la salade de poisson à la tahitienne. Le poisson est pêché du matin dans les eaux de l'estuaire, juste de l'autre côté de la route. Assiette garnie, nous rejoignons notre table. J'avance la chaise de Nathalie, il me remercie d'un sourire. C'est vraiment un petit sourire. Elle, d'ordinaire si lumineuse, si solaire et comme éteinte. Pour l'avoir moi-même vécu lors de mon premier contact avec ce pays, je sais ce qu'elle ressent. Une sorte d'angoisse indéfinissable. C'est comme si l'on mettait les pieds sur une planète où rien ne fonctionne, suivant la moindre logique, avec en prime un malaise dû sans doute au fait qu'un peu comme à Paris, personne ne sourit. Au Tchad, elle était dépaysée, ici, elle est perdue. Tête baissée, elle mange machinalement, elle est ailleurs. Elle ne se sent pas bien, ne sait comment l'exprimer, mais son corps parle pour elle. À l'instant où je m'apprête à lui demander si tout est ok, elle lève le nez de son assiette. « Tu avais raison, cette salade de poisson est délicieuse. » Non seulement son sourire est triste, mais ses grands yeux bleus d'ordinaire si pétillants ont perdu leur lumière. Elle pose sa fourchette et tout attraque. « C'est toujours comme ça ici, tu vois souvent ce genre de choses ?» Espérant la rassurer, je lui prends la main. « Veux-tu parler de la manioc party ou du groupe de Bateke qui est arrivé juste après nous ?»« Certainement une famille d'ailleurs. » Elle hésite un instant. « Les deux, mais parlons d'abord de cette famille. Qui sont ces gens ?» J'essaie d'être aussi bref et aussi précis que possible. « Comme je te l'ai dit, ce sont des Bateke, l'ethnie de la région de Franceville, là où nous allons. » Elle déglutit avec peine. « Mais qu'avaient ces femmes ?» Faisant passer toute ma tendresse dans ce geste, je caresse doucement sa main. « Je vais essayer de faire court, mais tu devrais manger. Je ne suis pas certain de ce qui nous attend ce soir pour dîner. » J'ai réussi à la faire sourire. Elle pique un morceau de poisson avec sa fourchette. Les Bateke sont répartis entre le Zaïre, le Congo-Brazza et le sud-est du Gabon. Avant la colonisation, ils étaient appelés Nzikos, ce qui en dialecte Bakongo signifie « petit ». Mais avec une consonance péjorative. C'était le nom que les Bakongo donnaient aux pygmées avec lesquels une partie des Bateke du Gabon s'est métissée au fil des siècles. Ça, c'est pour expliquer leur taille. Nathalie avale la bouchée de poisson qu'elle mâche avec application et boit une gorgée d'eau. Il semble que parler la libère d'un poids. La taille, d'accord. Les hommes et les enfants n'étaient pas bien grands, mais deux de ces pauvres femmes avaient tout autre chose. Oui, un prognatisme assez prononcé. Ce sont surtout les femmes qui en sont atteintes. J'en avais déjà vu une l'année dernière à Franceville, mais là, deux en même temps, je n'en croyais pas mes yeux. Nous terminons notre assiette. Tu veux un dessert ? Oui, je veux bien. Explique-moi d'abord. Ok, ces malformations, tant pour les jambes des gamins que pour le crâne des femmes, sont dues essentiellement à deux facteurs, la consanguinité et l'alcoolisme dont les effets se sont cumulés depuis des siècles. Nathalie s'attendait certainement à ce que je lui parle de quelque chose dans le genre, mais parce que le facteur temps entre en ligne de compte. Depuis des siècles ? Oui, bien avant l'arrivée des Blancs. Tu comprendras lorsque tu verras la région. Les sols sont composés d'épaisses couches de sable très dures. On parle de dunes fossiles datant de 20 millions d'années qui reposent sur un socle de grès polymorphe. Je souris. mais ça tu le sais déjà. » Elle acquiesce. « Je connais la structure géologique pour l'avoir étudiée sur mes cartes, mais je n'ai pas trop idée de ce à quoi ressemble le paysage. » Nous sommes interrompus par Jacques, qui vient vers nous à pas presser. Il a l'air contrarié. « Désolé, mais vous allez avoir le temps de finir tranquillement votre déjeuner et même de déguster votre café. L'avion de remplacement vient seulement d'arriver. Il va falloir compter encore une petite heure avant l'embarquement. Je lui propose de se joindre à nous pour le dessert et le café. Ce serait avec plaisir, mais là je suis un peu bousculé. » Nathalie le regarde s'éloigner. « Il faut avoir des nerfs d'acier pour être chef d'escale ici. Ou mieux, ne pas avoir de nerfs du tout. » Je suppose qu'il savait à quoi s'en tenir en acceptant ce job. Ce n'est pas pour rien que la compagnie Air Gabon est aussi connue sous le nom d'Air Peut-être. Deuxième sourire, je décide d'en profiter. Que dirais-tu d'un dessert et d'un café? Ok, allons-y, mais après tu m'expliques la suite. 5 minutes plus tard, nous avons regagné nos places. Tout en dégustant son fondant au chocolat, Nathalie me fait son regard par en dessous. Tu m'expliquais à quoi ressemblaient les plateaux batéqués. Ah oui. C'est un paysage assez vallonné, vastes étendues d'herbes hautes et parcelles de savanes boisées séparées par des lignes fines de forêts denses. En fait, ces lignes de forêt que l'on appelle galeries sont des zones d'érosion du sable et du grès. Très nombreuses, elles se présentent sous forme de failles et constituent des obstacles difficilement franchissables, d'autant qu'avec l'humus qui s'y est accumulé au fil des millénaires, la forêt s'y est implantée. La caractéristique de la forêt poussant dans ces galeries est que la canopée affleure à peine à la surface du plateau alors que la futaie plonge 40 mètres plus bas au fond de la faille. Nathalie attaque son fondant au chocolat. Tant mieux, c'est le meilleur euphorisant que je connaisse et elle en a besoin. On est en fait en présence d'un gigantesque labyrinthe. Deux villages peuvent se situer à 3 kilomètres à vol d'oiseau, mais à cause des galeries qu'il faut contourner, nécessitait parfois plusieurs jours de marche pour passer de l'un à l'autre. Les déplacements motorisés récents ont réduit ces distances, ce qui n'a pas été le cas pendant des siècles et même des millénaires. Nathalie m'interrompt, elle percute vite. Concernant la consanguinité, si je comprends bien, les communications très difficiles entre les villages ont engendré une endogamie géographique. Je souris. Exact. C'est une vie en basse clos, donc. Consanguinité inévitable. Aucune espèce ne peut survivre à ça impunément. Heureusement, cette configuration géographique se limite à 3 000 km². Tu parlais aussi de l'alcoolisme. Autrement dit, à la consanguinité dont les causes disparaissent s'est substitué un autre fléau. Pas tout à fait. Sourcil en accent circonflexe de Nathalie. Comment ça? L'alcoolisme ne s'y est pas substitué. Il existait depuis longtemps, avant l'arrivée des Européens qui ont aggravé le problème en exploitant le marché de façon industrielle. Les sourcils de Nathalie me signifient que cette fois elle n'arrive pas à situer là où les causes de cet alcoolisme primaire. Je lui donne la réponse. Malamba. Pardon, Malamba. C'est le nom local du vin de palme dont les Gabonais font depuis fort longtemps une très, très grande consommation. Du vin de palme, de palmier? Je ne comprends pas. Je prends une gorgée de café avant de répondre. C'est en fait de la cèpe de palmier fermentée, comme ce que nous avons bu à Sanara lors de la visite au chef de village. La caractéristique principale de ce produit est que la fermentation est très rapide. Imagine, 2 ou 3 degrés d'alcool le premier jour, 6 le deuxième et 12 ou même davantage le troisième. Nathalie en est ébahie. Et le quatrième? Là, on ne peut plus parler de fermentation, mais d'une dégradation qui produit des tas de molécules dont je n'ai pas retenu le nom, et auprès desquels le pire des neurotoxiques passerait pour du sirop de grenadine. Grimace de Nathalie qui plisse le front. Ça veut dire qu'il y a parfois des accidents. Ça veut dire qu'il y a souvent des accidents. Décès, démence, cécité, et j'en passe. Tant que cette boisson est consommée dans les 2 jours, tout va bien. Au-delà, c'est la roulette russe. Et pour ce qui concerne l'industrialisation, un coup d'œil à ma montre, on a le temps. Je ne parlais pas de fabrication industrielle du vin de palme qui reste artisanal, mais de l'exploitation de l'alcoolisme endémique par des brasseries qui fabriquent une bière locale très bon marché. Nathalie est passée de la tristesse à la colère. Mais c'est abominable. Comment l'État peut-il laisser faire ça? Je souris, ce qui n'a pas l'air de lui plaire. Parce que les dirigeants sont corrompus. Le système de santé est pratiquement inexistant. dont une mortalité très élevée, due à l'alcoolisme, et je ne parle pas des handicaps sévères constatés en pédiatrie. Ici, les femmes, même enceintes, boivent autant que les hommes. Nathalie prend sa tête entre ses mains. Je l'entends respirer très fort à plusieurs reprises. Puis elle les pose à plat sur la table, sa voix est anormalement calme. Il y a là quelque chose d'illogique. Avec une telle mortalité, la population ne peut que diminuer, et par voie de conséquence, la clientèle de ces brasseries aussi. Économiquement parlant, ils se tirent une balle dans le pied. J'ose à peine répondre. Soit Nathalie va se mettre à pleurer, soit elle va piquer une grosse colère, soit les deux en même temps, et c'est ce scénario que je redoute le plus. Elle sent que ce que je vais lui dire ne va pas lui plaire et me fixe intensément. Je me jette à l'eau. Tu n'imagines même pas leur cynisme. Je crois qu'en fait, ils tablent sur une augmentation de la population. Ils estiment qu'avant de succomber à une cirrhose chronique, leurs clients auront eu le temps de se reproduire et donc de fabriquer de nouveaux consommateurs. Il faut savoir qu'au Gabon, un bébé sur deux est alcoolique à la naissance. Au prix d'un très gros effort, Nathalie continue de maîtriser son émotion. Je suis d'autant plus sensible à ce problème que j'estime les États-Unis coupables de crimes contre l'humanité. L'alcool et les famines organisées ont tué 100 fois plus d'Amérindiens que les Colt et les Winchester. Au XIXe siècle, mon pays a laissé se commettre un véritable génocide. Bien sûr, l'échelle de temps n'est pas la même que pour la Shoah. Ce n'est pas 6 millions de victimes en 4 ans qu'il faut dénombrer, mais plus de 20 millions en près d'un siècle. Elle déglutit péniblement, boit une gorgée d'eau. N'est-il rien qu'il ne soit possible de faire pour enrayer cette machine de mort? La souffrance se lit dans les yeux de Nathalie. Je m'en veux, et regrette aussitôt d'avoir abordé un tel sujet. Mais je me dois d'être franc dans ma réponse. Certains s'y sont essayés, mais ils ont eu de gros ennuis. ONG, presse, tout est très surveillé. Elle réfléchit un instant. Je connais un journaliste à Washington, c'est un excellent enquêteur. Je crois que le sujet l'intéresserait. Je peux le contacter depuis Paris, qu'en penses-tu? Je pense qu'il faudrait qu'il soit extrêmement prudent. C'est l'Afrique équatoriale ici, et tant de gens gênants ont disparu sans laisser de traces. Nathalie est livide. Je ne l'ai jamais vue ainsi. Tu es en train de me dire qu'il n'y a rien à faire? Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit qu'il fallait que ce journaliste soit extrêmement prudent. Un blanc qui pose des tas de questions en une semaine est très vite repéré. Par contre, une trentaine de touristes sur un ou deux ans, ça ne se remarquerait même pas. Nathalie retrouve un demi-sourire. J'ai parfaitement conscience que ce ne sera que le début d'un long processus. Et qu'il faudra sans doute plus d'une génération pour régler le problème. Il est d'autant plus urgent de commencer. Je l'appelle dès que l'on rentre à Paris. Je prends ses deux mains dans les miennes. Nathalie Lorlaine, je t'aime. Son sourire me prend le cœur. I love you too, John. Je voudrais tellement la serrer dans mes bras. Elle sait bien que je n'ai pas pitié de sa souffrance, mais que je la partage, tout comme sa colère. Un jeune homme vient vers nous. Bonjour. C'est Monsieur Dumont qui m'envoie. Il vous demande de le rejoindre sur le tarmac, si vous voulez bien me suivre. Le temps de régler la note et nous emboîtons le pas notre guide jusqu'au couloir qui passe devant la salle d'attente et conduit à la porte d'accès au tarmac. Deux costauds tout en muscles bloquent la porte de la salle où nous patientons tout à l'heure. Vu leur morphologie, ce ne sont certainement pas des Batékés et sans doute pas davantage des Gabonais. Derrière les épais vantaux de verre, le spectacle est dantesque. Dantesque est le mot, car c'est bien l'enfer de Dante que fait immédiatement penser l'incroyable scène qui se déroule de l'autre côté des portes vitrées. Les 50 et quelques personnes à qui nous tenions compagnie tout à l'heure, pour bruyantes qu'elles aient été, sont à cet instant complètement déchaînées. Tous se pressent et se bousculent pour être les premiers à franchir les portes lorsqu'elles ouvriront. Les malheureux du premier rang sont littéralement écrasés sur les parois de verre, tandis que derrière, chacun tente de monter sur les épaules de celui qui le précède pour le contraindre à céder sa place. Sous les coups et la pression de la masse humaine, beaucoup renoncent, mais leur renoncement n'est que provisoire et ils reviennent presque aussitôt dans la mêlée, tentant de regagner la place qu'ils viennent de perdre. La confusion est indescriptible, ce qui n'aime pas le moins du monde les deux cerbères qui gardent la porte. Pour le coup, c'est bien celle des enfers. Jamais, dans les pires cauchemars, Nathalie n'aurait pu imaginer pareil comportement. Ses jambes semblent avoir perdu toute humanité et Nat est tétanisée, figée sur place. Je suis obligé de lui prendre la main et de l'entraîner derrière moi jusqu'au tarmac où Jacques nous attend. Il nous invite à le suivre vers l'appareil, un Boeing 737, stationné une centaine de mètres plus loin. La sidération de Nathalie est encore peinte sur son visage. Jacques l'a remarqué, mais se garde bien d'y faire une allusion directe. Il se contente de préciser. Tous les passagers first sont déjà embarqués, vous êtes les deux derniers. La cabine est séparée du reste de l'avion par une cloison que nous venons juste de monter. Nous arrivons au pied de la passerelle à l'avant de l'appareil. Jacques nous serre la main et devant le sourire crispé de Nathalie. Les fous furieux embarquent par l'arrière et nous avons de quoi gérer. Voilà, je vous laisse. Bon vol et à bientôt. Un petit signe de la main, il tourne les talons, se ravise. Ah, j'allais oublier. Pour votre matériel, Mbwangé. Gilbert est prévenu. Il s'en occupera personnellement. Allez, ciao. À la porte de l'appareil, l'hôtesse nous fait signe. Il n'attend plus que nous pour retirer la passerelle avant et commencer l'embarquement de la horde par l'arrière. La cabine first ne comporte que 12 places, toutes occupées à l'exception des deux à l'avant-gauche qui nous étaient réservées. L'hôtesse ferme la porte de l'avion et je sens que Nathalie se détend. La seconde après, elle sursaute. Je reconnais que le tumulte qui tout à coup enfle et s'amplifie derrière la mince cloison qui nous sépare de la classe éco n'a rien de rassurant. Il va falloir 10 bonnes minutes pour que le calme revienne, ponctué parfois par un cri dont on ne sait s'il marque la colère, l'indignation ou toute autre chose. Lorsque l'appareil décolle, tout est revenu à la normale. L'avion se met en palier et Nathalie me demande. J'espère que l'arrivée sera moins mouvementée. Mais enfin, pourquoi se battait-il? Parce que les avions sont toujours surbookés et qu'à chaque fois, un bon tiers des passagers restent sur le tarmac. C'est ceux qui se présentent les premiers qui ont une chance d'embarquer. La surprise de Nathalie n'est pas feinte. Surbookée, comment est-ce possible? Je souris. Trois raisons à ça. La première, certains ont un parent placé qui a décroché son téléphone et leur a immédiatement obtenu un billet. La deuxième étant que les agents de la billetterie arrondissent leur fin de mois en délivrant des billets en surnombre moyennant un dessous de table. La troisième, t'en as été témoin. C'est l'avion qui tombe en panne et qui est remplacé par un appareil dont la configuration est différente. Aujourd'hui, tu cumules ces trois raisons et tu as l'explication de l'empoignade à laquelle tu as assisté. Mais ce n'est pas le pire. Yeux ronds de Nathalie. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a de pire? Imagine un avion plein, porte fermée, prêt à partir ou même à décoller en bout de piste. L'avion fait demi-tour et sans la moindre explication, le commandant de bord fait descendre tout le monde. Une panne. Oui, ça peut arriver, mais en général, elles sont détectées avant l'embarquement. Non, là, ce sont juste les services de la présidence qui réquisitionnent l'appareil et tout le monde descend. Manu militari, s'il le faut. Ta place en first ne te protège pas et tu descends comme tout le monde. Ne va surtout pas croire que la compagnie prend ton hébergement en charge, chacun se débrouille. Pas le moindre défraiement à attendre, ni des autorités, ni des ergabons. Nathalie ne réagit même plus, elle se contente de commenter. Tu me dis ça comme si c'était normal et qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de l'accepter. Je sais que je vais la choquer, mais autant vaut-il dire les choses telles qu'elles sont. C'est exactement ce que je dis. Je crois que ni toi ni moi ne pouvons changer cette mentalité. Elle correspond aux habitants d'un pays qui ne produit rien à part le bois et le pétrole. Les trois quarts du manioc et la nourriture de base sont importés, principalement du Cameroun. La moitié des habitants a conservé les habitudes des chasseurs-cueilleurs, mais avec la manne pétrolière. Il n'y a plus besoin de chasser ni de cueillir, donc les gens s'ennuient et boivent. Pour le reste, ils subissent. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand on a le doigt dans la bouche de quelqu'un, on ne lui tape pas sur la tête ». En France, nous avons l'équivalent « Ne mords pas la main qui te nourrit ». Ici, le président nourrit le peuple et personne ne s'aviserait de lui taper sur la tête. Nathalie me regarde, fixement intriguée. « Tu as l'air de particulièrement bien connaître ce pays ?» Ma réponse la laisse squat. « Peut-être parce que j'y ai vécu près de 2 ans. »